suis encore debout. Marc est à côté de moi, il est en train de ranger ses affaires avec toute la rapidité qu'il peut arriver à mettre dans ses gestes. Et puis, eh bien, on va faire le maximum, ça va bien se passer. Alors, l'album de la semaine, c'est un double album, c'est deux fois Ringo Starr. Ringo Starr et son nouvel album Crooked Boy, sorti il y a quelques semaines, puisqu'on a eu des jours fériés. On écoutera February Sky, Adeline, Gonna Need Someone, ça va vous plaire, celle-là, Crooked Boy. Et puis, il y aura un petit bout de Rewind Forward, puisque cet mini-album ne fait que quatre titres. Donc, il y aura Rewind Forward et Feeling the Sunlight avec Paul McCartney. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du McCartney et des Beatles. Pour Lennon, ce sera God, mais extrait de l'album acoustique en 2004. George Harrison nous chantera Waiting on You All sur l'album All Things Must Pass. Junior's Farm, extrait enfin de One Hand Clapping, l'album qui va sortir au mois de juin. Mais on a déjà un premier extrait, vous l'écouterez en quatrième chanson. Et puis Two of Us pour les Beatles. Pour le reste, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, je vais en profiter, puisqu'il est 20h passé de 2 minutes. Et tiens, bah, comme l'album, plutôt le générique se termine, on va rendre hommage également à quelqu'un qui a disparu pendant mon absence. Comme quoi, il faut pas que je m'absente. C'est Duane Eddy. En 1987, il avait fait la reprise avec Paul McCartney de ce morceau que vous entendez derrière, l'Orchestra Theme, dans une version plus Duane Eddy-esque, si on peut dire. Écoutez, la voici, pour lui rendre hommage à Duane sur RG. We'll be right back. Hein. Ça n'est pas de nouveau générique, hein. C'est un hommage à Joan Eddy qui avait repris Rockstar Theme en 1987 avec Paul McCartney. Voici Ringo Starr sur RG February Sky. Nous allons écouter tout de suite un John Lennon, mais juste avant de l'entendre, je vous fais part du fait que l'album Mind Game va ressortir en version 6 CD avec encore une fois Ultimate Remix, avec Documentary, je ne sais plus quoi, avec un album et des précisions sur les... Bref, je trouve que là, Sean Lennon, puisqu'il s'est émis, et maman surtout, commence à presser le citron beaucoup trop parce que le pauvre John, il a pas cherché à arrêter en 1980, c'est évident. Il en aurait fait d'autres et des super bien. Mais là, maintenant, je crois qu'il y a plus grand chose à tirer, quoi, plus grand chose à faire. Et pourtant, je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé cette saga, c'est-à-dire en 1984, que je ne vais pas acheter un album parce que j'estime que c'est un album de trop. Ça n'est pas utile. On en reparlera peut-être lors de sa sortie, parce que peut-être que je finirai par me laisser tenter. Mais pour l'instant, bon. En 2004, Maman avait sorti un album qui s'appelle Acoustic de John. Des versions différentes de certaines de ses chansons. En voici une, God, sur l'album Acoustic. Et c'est sur RIG. This message concerns our love. to love it. You don't need a big pad. You don't need a heart as you're full of light. Cause don't see the mess that you're in. You open up your heart. You know what I mean. The people who need to love. That is a way for you to get clean. You don't need no passport. You don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. If you open up your heart, you see he's right there. He always was and will be. He'll leave you of your own care. I chant in the name of the Lord and you'll be free. You don't need a church house. You don't need a temple. You don't need no rosy beads or the books to read to see that you are falling. If you open up your heart, you know what I mean. If you can't dance alone, we're sinking and we're all green. While the Pope was 51% of general voters. Paul McCartney sort un nouvel album en juin. L'album s'appelle One Hand Clapping, enregistré en 1974 en fait. Et c'est bien, parce que là on sait que la voix est belle et que ça va nous donner quelque chose à manger en attendant qu'il passe dans la région, à Bordeaux par exemple, qu'il nous sorte un nouvel album qui serait de bon augure, puisque le dernier date de 2020, il me semble, hein. Mais voilà Paul, c'est bien de prendre des vacances. Bon, ça, hey, il est excusé, il va avoir 82 ans, il est excusé, il a le droit de prendre du bon temps. Mais il nous manque quand même. Lui, il a de quoi sortir des albums et des albums lorsqu'il disparaîtra. Mais on n'en parle pas pour l'instant. Pour l'instant, on se propose d'entendre avec joie Junior's Farm, extrait de l'album One Hand Clapping, à venir dans un mois, peut-être, à peine. One, two, three, four. Just in a good time. Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. Cette émission, la numéro 600. Nous avons écouté Rockstra Theme, mais version Duane Eddy pour lui rendre hommage. Il y a eu February Sky de Ringo Starr sur l'album Crooked Boy, sorti très récemment, donc de 2024. God par John Lennon sur l'album acoustique, version différente de 2004, 20 ans avant donc. A Waiting on You All par George Harrison sur All Things Must Pass, et puis Paul McCartney Jr.'s Farm One Hand Clapping Sessions. Et quant aux Beatles, c'était Two of Us. Il faut maintenant qu'on parle de tous les sites qui sont très utiles pour tout savoir sur les Beatles. Il y a le site Maca Club qui est plus spécialisé sur McCartney, mais on peut parler des Beatles, bien évidemment. Il y a le site yellowsub.net pour parler des Beatles en général. D'ailleurs, c'est sur yellowsub.net que j'ai tiré l'information de la sortie très imminente de l'album de John Lennon avec 6 CD sur Mind Games, qui risque d'être un achat de trop en ce qui me concerne, que je ne ferai probablement pas, mais bon. Et puis, il y a aussi en anglais la fameuse Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez.

Une voix faite pour le rock, Paul McCartney, en 1963 sur l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs, si vous voulez avoir le titre entier de l'album. C'était I Saw Her Standing There, et puis à l'instant, en 1964, quelle belle année, c'était Long Tall Sally. En 1986, Paul McCartney avait, je crois que c'était pour le Prince's Trust, avait voulu reprendre Long Tall Sally, et il avait dit à son entourage, je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'est très puissant, il faut pousser. Et puis l'adrénaline aidant, la joie d'être avec ses potes, etc., eh bien il a réussi sans aucun problème à passer le test, et on s'en serait absolument pas douté, on savait très bien qu'il allait y arriver. Quel bonheur d'entendre Paul McCartney chanter des bons rocks bien comme ça. Bon, aucun commentaire sur les tournées. Non, pas cette fois-ci. On revient avec John Lennon en 1975. Et cette bonne chanson, j'aime bien cet album, l'album Rock'n'Roll de 1975. Ce titre, Bonnie Moroney, sur R&G, sera suivi de Beautiful Boy, Darling Boy, sur l'album Double Fantasy 1980. Il faut que je me remette dans les tracks, hein, il faut que je sois à l'émission. Thierry, arrête de penser à autre chose. Hey, R&G 90.7, c'est la radio des Beatles. getting better and better. Pour son fils Sean. C'était John Lennon en 1980 et c'est sur RIG 90.7. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine et cette chanson, d'après vous, semble être la meilleure chanson de l'album. Et je dis que je suis d'accord. Voici Gonna Need Somebody sur l'album Crooked Boy de Ringo Starr, le nouvel album. Yeah. j'oublie pas, j'écoute la saga des Fab Four le mercredi soir sur Régis. Merci, Joe. Retrouvé seulement sur l'album, enfin non, il y a eu seulement sur l'album Men Love Avenue, sorti en 1986. Oui, mais non, parce que depuis, sur un best-of évidemment, qui s'appelle Give Me Some Truth, il y a cette chanson-là. Bref, maintenant c'est George Harrison. Mais c'est une version alternative que je vous propose. Nous sommes en 1973 sur l'album All Things, sur l'album pas All Things Just Pass, sur l'album Living in the Material World. Et le titre du morceau que je vous propose, c'est une version acoustique qui date en fait d'un an avant même des sessions, donc de Living in the Material World, c'est plutôt de 1972. Et le titre c'est Sue Me, Sue You Blues en version démo. I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. My very good friend, the mailman, says that it would make his burden less if we both had the same address, and he suggests that you should marry me. Then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. All my

I Can Bet, à l'instant, sur RG 90.7. Bonjour, je suis Emma Watson. Tous les mercredis soirs, j'écoute Thierry et son émission La Saga des Fab Four. Merci Thierry, je t'aime. Come on down now, all my friends. Merci Emma Watson. All these years I've been reminded. The celebrations and the laughs. The losses we've all had keep me younger than before. I've seen the world and twice again. All the beauty that surrounds us. I speak of love, I speak of peace. It's what I believe and what I keep on fighting for. I hope these aren't just memories I borrow. Pieces from a less ordinary. A sickly boy that found his own way. Finally felt like I belong. The crumbling plaster on the ceiling. Let me escape to Prince's Park. But I stared up at the stars and led me right to where I am. I hope these are just from a less ordinary day. Fell into a coma and then got back up on my feet. A sickly boy that found his own way. Guitar, I gently tap my knees. And all the people passing by, I send them love and peace. I hope these aren't just memories I borrow. Pieces from a less ordinary day. A teddy boy who found his own way. Il est temps de passer à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en période solo, après donc 1970, même si pendant la période Beatles, par exemple, eux-mêmes reprenaient une chanson de Chuck Berry ou de qui vous voulez. Ou même en période solo, je vois George Harrison qui reprend une chanson qui s'appelle Baltimore Oriole, qui date de 1930 quelque chose, je ne me souviens plus exactement. C'est pas grave, du moment que eux l'ont chantée, la cover c'est quelqu'un d'autre qui va la chanter, connu ou pas, ça pourrait être vous, et cette fois-ci c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un de bien bien connu qui en a fait une version bien à lui, que je n'ai pas écouté depuis très longtemps. Je vous propose d'écouter With a Little Help from My Friends, version Joe Cocker. C'est parti. you stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how? And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn up the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. Said I'm gonna try it. Joe Cocker sur RIG 90.7, c'était la cover de la saga des Fab Four numéro 600. Et vous savez qu'après la saga, quelquefois, qu'après la cover, je voulais dire, quelquefois, il y a la rubrique fils de ou ressemblant à quelque chose comme ça qui me permet de passer autre chose que exactement John, Paul, Ringo et George. Voici un fils de. C'est Julian Lennon à qui je donne et je trouve beaucoup de talent, je trouve, parmi les enfants de nos amis. Le titre du morceau, c'est Beautiful, cet extrait de l'album Everything Changes, sorti en 2013. Voici Julian Lennon sur RIG. gave your life for me. You gave your life for love. The feeling still remains, though you're on a different plane. Your world is full of angels, you've become one. Above your free. Let's go. Back.

À la suite, Good Morning, Good Morning, Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, reprise et A Day in the Life 3, chef-d'œuvre, extrait de l'album, chef-d'œuvre aussi, Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band. On se dépêche parce que dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera au tour d'Eric de faire le dingue avec sa superbe émission Johnny de A à Z. On vous promet, il fera ça. Il y arrive. On continue avec, on change d'album parce que Ringo n'a pas d'autres chansons, il n'en a que 4 sur son nouvel album. On revient sur l'album Rewind Forward, donc retour en arrière mais en allant vers l'avant. Voici le titre même, Rewind Forward sur RG. Ça fait partie des titres amusants de Ringo, essayez d'en trouver. A new horizon.

Remix 2023 de I Am The Walrus. Vous avez remarqué que ce soir, puisqu'on s'était pas vu ou entendu depuis un certain temps, j'ai fait back to basics, parce que c'était quand même assez important. On se dépêche, sinon on risque d'être légèrement en retard. Voici le deuxième morceau extrait de Rewind Forward, et c'est avec Paul McCartney, Feeling the Sunlight. C'est lui qui a écrit la chanson pour Ringo. It's me, I'm checking around, trying to make sure everybody's safe and sound. Feeling okay, doing all right, sharing the love and feeling the sunlight in the air. Sunlight everywhere. Sometimes it's good to admit that you just don't care. Hey you, come out of the rain, dry yourself off and remember, don't complain, cause everything's good and everything's right, sharing the love and feeling the sunlight in the air, sunlight everywhere, sometimes you got to admit that you just don't care. Getting started, sunlight spreading the love all over the world. Peace and love. Sunlight in the air. Sunlight. To be sure everybody's having fun, feeling okay, doing all right, sharing the love and feeling the sunlight in the air, sunlight everywhere. Sometimes it's good to admit that you just don't care. I'm feeling the sunlight. Tous les mercredis, j'écoute la saga des Fab Four sur RIG avec Thierry. Got the time, the inclination. I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. That's the only thing I know. Do it now, do it now, while the vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave Que nous sommes serions ravis de te voir chanter ça en live, Paul McCartney. Je dis ça, je dis rien. Avant de retrouver Eric dans quelques minutes, Hose to the Water, George Harrison sur RG. Still don't make you think I'm Récompenser mes fidèles puisque Christine réclame la version live par Sam Brown pour le concert pour George qui est sorti en 2003. Et bien la voici, cette version Sam Brown, Horse to the Water. Quelle beauté, quelle voix, quelle chanson. Et c'est sur RIG. quelle voix, quel concert. Qu'est-ce que j'aurais aimé être présent ce jour-là. Que des légendes et cette belle femme Sam Brown. Et ce titre, Horse to the Water. On termine la saga, si vous le voulez bien, avec George Harrison pour une fois. P2 Vatican Blues, Last Saturday Night. C'est long, mais c'est George Harrison sur Brainwashed. Is that the ceiling from below? Splendid Michelangelo, fill my heart with delight. That's Saturday night. I arrived believing from home. Find every step inside St. Peter's Dome. Claustrophobic and ex-Catholic. That's Saturday night. Really notice puff of white smoke knock me out. Truth is hiding, lurking, banking. Things I do at night. It's quite suspicious, to say the least. Even mentioned it to my local priest. One of all the three Hail Marys. It's Saturday night. Come on, Chingers. Play it card, thank you. I wish somebody would tell me that it's only a show. Confess, own up, let's face it, in my concrete tuxedo. It's quite suspicious, to say the least, while mentioning it to my priest. One of all the three Hail Marys, each Saturday night. Vous ne rêvez pas, je rends un peu plus à l'heure que d'habitude. Merci d'avoir écouté cette 600e édition de La Saga des Femmes Fortes. Je vous laisse entre de bonnes mains, de bonnes oreilles également, de la bonne musique. C'est Eric dans quelques secondes sur RIG. À très très bientôt. Salut. Voilà.